Harmonie du soir de Charles Baudelaire, enregistré par LibriVox.org. Vas-y venir l'automne, où vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi que l'encensoir. La songe et la parfum tournent dans l'air du soir, valse mélancolique et langoureux vertige. Chaque fleur s'évapore ainsi que l'encensoir, le violon frémit comme un cœur qu'on afflige. Valse mélancolique et langoureux vertige, le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, un cœur tendre qui est le néant vaste et noir. Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir, le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Un cœur tendre qui est le néant vaste et noir, du passé lumineux recueille tout vestige. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Ton souvenir en moi, lui, comme un ostensoir. Fin du poème, enregistré par Casper Nyssen. Cet enregistrement fait partie du domaine public.